actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des festivals d'histoire en particulier aujourd'hui. Tout d'abord, nous vous proposerons un entretien inédit que Marceline Loridan-Ivens avait accordé en 2006 à Alain Lefkowitz, qui préparait pour La Fabrique de l'Histoire un documentaire sur les intellectuels français et la Chine de Mao. Elle y parle de son travail cinématographique dans les années 70 avec Joris Ivens, quand ils préparaient tous les deux comment Yu Kong déplaça les montagnes. Puis Amélie Meffre, dans sa chronique Un saut dans la loi, dans laquelle elle revient sur des lois qui précèdent des événements d'actualité, et alors que nous parlons aujourd'hui ces temps-ci des questions de chasse après l'ouverture de la chasse, nous rappellera les lois sur la chasse du 19e siècle. Dans la deuxième partie de cette émission, Daphné Budache et Iris Pupela-Nogues viendront nous présenter le festival Secousse 1848 qui va pendant 3 jours à Paris proposer débats, lectures et animations sur les révolutions de ce milieu de 19e siècle. Une manifestation dont Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France, est également partenaire. Retro News avec lequel nous concevons la rubrique C'était à la une à partir de titres de presse des deux dernier siècle. Et ce matin, justement, dans la dernière partie de cette émission, un récit de voyage de Théophile Gautier, publié dans la presse en 1846. Mais tout de suite, Marceline Loridan-Ivens en 2006 au micro d'Alain Lefkowitz à propos de ses voyages en Chine et du tournage de Comment Yu Kong déplaça les montagnes. Avant de décider de filmer l'usine de générateurs, nous avons visité une aciérie, une usine de tracteurs, un chantier naval, une usine de montres, 14 usines en tout. Ce n'était pas ce que nous voulions. Nous avons choisi celle-ci justement parce que c'est une usine ordinaire. Elle ne s'était pas particulièrement distinguée pendant la Révolution culturelle. Elle n'est pas de celles qu'on cite en exemple. Dans l'usine, il y a un dispensaire central et dans chaque atelier, une infirmerie. Les médecins ne s'occupent pas seulement des accidents du travail, mais de tous les problèmes de santé des ouvriers et aussi de leurs familles. Un jour par semaine, médecins et infirmiers travaillent aux machines. Vous avez quel âge ? 26 ans. C'est votre premier enfant ? Oui, c'est le premier. Vous êtes marié depuis longtemps ? Pas tout à fait 2 ans. À quel moment vous arrêtez-vous de travailler ? Dès le 6e mois, on a un travail plus léger. Par exemple, si on travaille autour, on peut être affecté au magasin de l'outillage. Pour l'accouchement, si on veut accoucher en ville, on peut rentrer à Shanghai quelques jours plus tôt. Le congé est de 56 jours, c'est ça? Et si l'accouchement est difficile, 77 jours. 70 jours. Si besoin, tu demandes au médecin une prolongation. Et il te l'accorde. Pendant l'allaitement, les mères travaillent 7 heures par jour. Une heure pour allaiter. Oui, une heure. On confie les bébés à la salle d'allaitement quand ils ont 56 jours. Mais par rapport à ces jeunes Mao, c'était intéressant ce qu'ils disaient. C'était très intéressant. L'idée qu'il fallait changer les rapports sociaux, que Mao Tse-Tung faisait appel à l'homme dans ce qu'il avait de plus profond, lutter contre l'égoïsme, c'est la base de la société dans laquelle on vit, là, l'égoïsme. Donc ça nous parlait directement. Vous voyez, en 72, quand on y était, c'était juste la période de servir le peuple, de lutter contre l'égoïsme, ce qu'on a filmé. On ne peut pas filmer une révolution en train de se faire parce qu'on ne sait pas tout. Il se passe une chose comme ça d'esprit de servir le peuple qui se développe. Ce serait bien qu'on aille dans des unités expérimentales, plus avancées que d'autres, qui montrent le chemin. Et à travers ça, Nous allons montrer que les gens sont des individualités. Et nous allons les montrer dans leur vie quotidienne. Sans plus de prétentions, en essayant de répondre aux questions qui sont posées en Europe, en essayant de voir si elles sont réelles ou elles ne le sont pas. Et filmer le plus proche des gens possible, faire du cinéma direct, évidemment sans oublier le reste. Vous savez, quand vous êtes quelque part, vous voyez ce que vous voyez autour, vous ne voyez pas ce qu'il y a à 25 mètres plus loin. Par exemple, quand je revois la pharmacie aujourd'hui, au moment où ils montrent tous ces trucs pour la contraception, je me dis, si j'avais été maligne, j'aurais posé la question s'il y en a assez pour tout le monde. Je n'ai pas posé. Vous voyez ? Je n'ai pas toujours posé les questions que j'aurais dû. Mais je ne cherchais pas la petite bête. Sur le principe, il y avait la contraception. Est-ce qu'il y en avait pour tout le monde ? Est-ce que toutes les femmes étaient d'accord ? C'est un autre film. Ils étaient reconnus dans le quartier comme un magasin exemplaire, qui en faisait plus que les autres. Ils portaient les médicaments à domicile. Ils faisaient tous les gestes qu'on ne fait pas ici. Ça voulait dire une proximité plus grande. Et même s'il y avait de la triche, ils ne pouvaient pas tricher sur tout. C'est pour ça que c'était très, très important de s'installer dans un lieu, d'y rester longtemps avant de filmer, de se faire accepter, qu'ils oublient complètement la caméra, qu'ils nous acceptent, qu'ils nous aiment, qu'on donne de nous-mêmes avant de recevoir. C'est le cinéma. Il y avait une gentillesse, il y avait une hospitalité, il y avait une générosité extraordinaire. Il y a des choses que je ne peux pas vous raconter parce que ça paraît très naïf de ma part. Mais moi, j'ai vécu des choses tellement extraordinaires dans ce pays. C'est le pays qui a le mieux compris aussi la déportation. Chaque fois que des enfants regardaient mon numéro, que je leur racontais, ils parlaient de Nankin. Les massacres de Nankin. Donc moi, j'ai jamais oublié la guerre, j'ai jamais oublié la colonisation qu'ils ont vécue. Donc c'est un peuple qui a beaucoup souffert, qui est très pauvre, qui est encore très pauvre, même si la côte Est est riche. Mais elle a toujours été riche, la côte Est. Mais l'intérieur de la Chine est loin d'être... Je pense qu'on peut encore trouver des gens comme ça. Mais effectivement, il y a une dureté qui se développe maintenant à travers la nécessité de l'argent. Dans mon imaginaire, quand je pense le meilleur, je pense que c'est ce que Mao Tse-tung voulait éviter. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. On le saura un jour. Mais je pense que tous les livres qui sortent sur Mao Tse-tung, baisant, ayant des maîtresses et tout, on peut faire dire la même chose de d'autres chefs d'État en Europe. Et donc, ça, c'est pas des exemples pour moi. Ce que j'aime beaucoup, c'est les Chinois. Ils sont comme ma mère. Avec pas beaucoup d'argent, ils font de la cuisine. Moi, je viens de la cuisine de l'émigration polonaise. On perdait rien. Exactement. Et moi, ce que j'aime chez les Chinois, c'est comme chez ma mère, on mangeait les pâtes de canard. On les mangeait pas de la même manière, mais on les mangeait. On mangeait tout. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié de ce peuple, de sa capacité à tout utiliser avec pas grand-chose. Mais à faire des plats exquis comme ma mère faisait. Chacun a un chemin. C'est sans doute le seul chemin que je pouvais prendre après les camps, avec la naïveté que j'avais quand j'en suis sortie. Malgré tout ce que j'avais vu autour de moi. Mais avec le côté infantile qui était en moi, j'ai l'âge de mes traumatismes. J'ai 15 ans. Et voilà. Et ça me convient parfaitement. Et si on sait en faire quelque chose, c'est bien. Il faut avoir eu beaucoup de doutes à l'intérieur de soi-même. Et aussi beaucoup d'expériences de la vie elle-même, des cycles de vie accomplis, de la complexité de la vie en général, et aussi du bonheur de vivre. À l'époque où vous retournez en Chine, en 71-72, le mouvement maoïste en France est moribond, il disparaît, c'est un mouvement qui est assez éphémère. Vous continuez sur ce chemin Moi, j'étais pas vraiment dans les mouvements maoïstes, j'ai jamais été ni Yoris, on n'a jamais été. On était proches, ça m'est arrivé qu'on me demandait de loger quelqu'un, de trouver un endroit pour loger quelqu'un, ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai jamais été une militante. Je me souviens d'une époque où la gauche prolétarienne nous avait demandé, je dirais pas de nom, hein. Nous avait demandé, si vous allez en Chine, ce serait bien que vous demandiez à Chou En Lai qu'est-ce qu'il pense des étudiants français, de ce qui se passe en France. Moi, j'avais effectivement posé la question à Chou En Lai. Et il m'avait répondu cette phrase étonnante, vous leur direz qu'il ferait mieux de retourner à l'école et arrêter leur cinéma. Et quand j'étais revenue avec cette réponse, ce qui était très comique pour moi, c'est que la réaction avait été « Oh, il comprend pas ce qui se passe ici. » Oh, il comprenait très bien. C'est amusant. Hein. Donc ça vous donne du recul à vous-même. Quand en 1975, on est retourné en Chine pour quelques prises de vue additionnelles, pour finir nos films, parce qu'il y en avait 12, hein, et qu'on avait apporté avec nous 5-6 films pour montrer aux gens qu'on avait filmé et pas au pouvoir, et qu'on voulait aller dans les différentes unités, et que c'était la bande des quatre qui avait le pouvoir, enfin c'est Qian Xing, Yao Wanyang, Chen Qingchao, et qu'ils nous ont empêchés de le faire, et qu'ils ont organisé des réunions en faisant venir des gens des différentes provinces, qui n'étaient pas forcément les bons, et qui étaient quelquefois les plus sectaires, et qui a eu cette projection sur nos films, avec une réunion après qui a duré des jours et des jours, oui, où le représentant de Qian Xing, le directeur du cinéma, qui était un homme d'un sectarisme total, nous critiquait, voulait qu'on coupe ceci, qu'on coupe cela, et que nous on disait non, s'il y a une erreur historique, on veut bien la corriger, mais on coupera rien. Et que moi je me suis battu comme un chien, et Yoris, et notre opérateur avec nous, et qu'on était dans une phase en accusation. Et que Chou En Lai nous a fait dire, il était malade, il était en train de mourir. Par l'intermédiaire de Liao Shenshe, qui devait devenir président de la République et qui est mort 2 jours avant, après la chute de la bande des quatre. Et ça, c'était terrible pour la Chine, parce que c'était un homme admirable. Et que Chou En Lai nous a dit, rentrez chez vous, sortez le plus vite le film et ne revenez pas tant qu'ils sont là. Et que quand on est parti, il y avait 40 personnes qui pleuraient à l'aéroport, en sachant plus que nous de ce qui se passait. Mais ne nous le disant pas. Mais nous, on le sentait. On n'avait pas besoin qu'on nous le dise. On avait tout compris, c'était pas la peine. Et qu'on est rentré à Paris, qu'on était accusé d'être membre de la bande des quatre, ce qui était une imbécilité totale. Qu'on a sorti ces films, qu'ils ont eu un succès considérable. 300 000 entrées à Paris. Vous vous rendez compte ce que c'est? 12 documentaires à sortir en même temps. Et que c'était le moment où, effectivement, la gauche prolétarienne se délitait. Pour des bonnes raisons. Pour ne pas vouloir entrer dans la lutte armée. Et que nous, on était dans cet avion, désespérés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on raconte ce qui s'est passé publiquement, à la sortie des films? Et que Yoris et moi, on a décidé non. Parce que c'était encore des arguments contre la Chine qui ne seraient pas compris. Mais à mon avis, on a fait une erreur. Mais en même temps, notre souci d'honnêteté était tellement fort qu'on ne pouvait pas le faire. Quand aujourd'hui, ces gens, ou même très peu de temps après, ces gens ont fait leur mea culpa, aujourd'hui renient un petit peu leur fascination pour la Chine, qu'est-ce que ça appelle comme réaction de votre part? Je pense que on en reparlera. On en reparlera, hein. Parce qu'il se passe des choses intéressantes en Chine, quand même. Bon, il y a tous les voyous, la jungle actuelle, le capitalisme sauvage tel qu'il a existé au 19e chez nous, faire travailler les mômes, les exploiter à mort, les compagnies privées qui en profitent, les Européens qui installent les usines qui en profitent, il y a tout ça, c'est sûr. Mais il y a aussi d'autres choses. Moi, je voudrais savoir ce que sont devenus les dizaines de milliers de techniciens formés juste à la veille de la révolution culturelle, qui sont partis après dans des usines, en province, à droite, à gauche, qui n'ont pas participé à la révolution culturelle, mais qui ont maintenu les structures. Je voudrais bien savoir où ils sont, ceux-là, en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement... Les gens n'imaginent pas la vastitude de ce pays. Les sentiments que j'ai eus en Chine, je les ai eus que dans un seul pays au monde, c'est l'Amérique. La grandeur des lieux. La disproportion des ponts. La disproportion même des objets, des œuvres hydrauliques, tout ce que... Tout. C'est un pays de... Nous, on est un petit pays ici. Alors pour finir, si je vous demandais qu'est-ce que cette révolution culturelle a été pour vous d'un point de vue cinématographique et puis d'un point de vue idéologique et d'un point de vue personnel. Elle a été sans aucun doute un grand moment de ma vie, avec un grand sentiment de liberté dans les films que nous faisions, en sachant jusqu'où on ne pouvait pas aller. Mais on nous a laissé filmer un procès qu'on n'a pas monté parce que c'était pas intéressant. Là où on a eu des ennuis, c'est que c'est la bande des quatre qui sont arrivés et nous ont empêchés de filmer. On cherchait pas à faire le mal, à dire le mal. Ça veut pas dire que le mal, il était pas là. Mais on essayait de montrer qu'il y avait une société qui essayait de fonctionner autrement. Est-ce qu'on était manipulé? Est-ce qu'on se trompait? Est-ce que c'était de la manipulation à l'échelle d'un État? Il faut attendre la réponse. C'est les Chinois qui peuvent la donner. Et personne d'autre. Et si les Chinois s'agitent pas, parce que comme ils disent, un intellectuel chinois, c'est un roseau. Mais pourquoi c'est un roseau? Parce qu'il sait se plier. Ben, ça prendra beaucoup d'années. Mon rêve, ce serait de pouvoir reprendre peut-être un épisode de cette série des Yukong et retourner dans un lieu précis, d'essayer de retrouver les gens de cette époque, ou à la campagne, ou dans une ville, je sais pas, il faut réfléchir. Mais il faut être libre. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai l'appui que j'avais? J'ai d'autres appuis. Il y a d'autres appuis maintenant là-bas. J'aimerais beaucoup le faire. On verra bien. Voilà donc pour cet entretien inédit que Marceline Loridan Evans, disparue cette semaine, avait accordé à Alain Lefkovitch en 2006 pour La Fabrique de l'Histoire. Bonjour Amélie Meffre. Bonjour. Alors vous venez comme chaque mois pour nous présenter une loi qui a une importance pour comprendre l'actualité. Lundi 27 août, lors d'une réunion sur le projet de réforme de la chasse qui avait précipité la démission du ministre Nicolas Hulot, l'Élysée avait confirmé la baisse du prix du permis national de chasse qui passera de 400 à 200 euros. Vous nous rappelez l'instauration de ce dernier par la loi du 3 mai 1844, Amélie. Oui, en fait, cette loi votée sous la monarchie de Juillet veut encadrer la chasse qui commence à se démocratiser. Rappelons qu'après l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, le droit de chasse est en partie élargi et rattaché au droit de propriété. Ainsi, des décrets stipulent que le droit exclusif de la chasse réservé à la royauté est partiellement aboli et que tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire seulement sur ses possessions toute espèce de gibier. S'ensuit à certains endroits, et notamment en Île-de-France, une frénésie cynégétique. Et des voix s'élèvent pour dénoncer les massacres. L'inspecteur du domaine de Versailles, comme le rappelle l'historien Christian Estève, se désole que Cerf et Dain aient presque disparu à Meudon et à Verrières. À Montargis, le maire constate que les campagnes sont désolées et dévastées par le nombre prodigieux de chasseurs et de chiens qui produisent les plus grands dommages partout. Bref, il faut légiférer au plus vite pour calmer les ardeurs et pas qu'en matière de chasse. Napoléon Ier, en 1810, instaure un permis de port d'armes. Moyennant une déclaration en préfecture et le paiement d'une taxe, le particulier pourra chasser un an durant. Les abus ne semblent pas cesser, les pétitions adressées à la Chambre se multiplient, qui appellent à une révision de la loi pour lutter contre le braconnage. Le Moniteur universel du 21 avril 1843 écrit « Les abus de la chasse excitent depuis longtemps de vives et nombreuses réclamations. Les conseils généraux les attribuent à l'insuffisance de nos lois et demandent qu'une législation plus forte et plus efficace vienne enfin y mettre un terme. » Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Un projet de loi est présenté. Il est présenté à la Chambre le 17 avril 1843 par le garde des Sceaux Martin Dunord, qui entend mettre en place un véritable code de la chasse, avec le souci quand même de préserver le gibier. Le texte est loin de faire l'unanimité chez les parlementaires. Seuls 13 articles sur 31 sont approuvés sans amendement. On discute longuement autour de l'instauration du permis de chasse et des personnes qui n'y auront pas droit. Au final, il ne pourra pas être délivré aux mineurs, aux responsables de violences à agents, et elles sont nombreuses, aux gardes champêtres, aux forestiers ou aux condamnés pour vagabondage, mendicité ou escroquerie. En fait, comme le souligne André Corvol dans son Histoire de la chasse, on se préoccupe finalement plus de la sécurité, ainsi la loi porte sur la police de la chasse, que de la protection des espèces. On entend retirer, je cite, à une classe nombreuse de la société des habitudes d'oisiveté et de désordre qui conduisent à des délits de tout genre et même des crimes. La loi adoptée le 3 mai 1844 encadre la pratique de la chasse en privilégiant finalement les grands propriétaires. Alors que dit-elle cette loi, Amélie ? Eh bien, elle réaffirme le droit de propriété, instaure un permis de chasse et définit les périodes d'ouverture et de clôture dans son article 1er, je le cite. « Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte ou s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par les autorités compétentes, entendez les préfets. » Nul n'aura la faculté de chasser sur les propriétés d'autrui sans le consentement du propriétaire. Le permis coûtera 25 francs par an, une somme qui n'est pas négligeable puisqu'elle équivaut en gros à un mois de salaire d'un ouvrier agricole. La loi édicte enfin des sanctions. Chasser sans permis sur le terrain d'autrui sans son accord induirait une amende allant de 16 à 100 francs. Chasser en dehors des périodes fixées ou de nuit coûtera entre 50 et 200 francs, voire pourra même conduire à un emprisonnement de 6 jours à 2 mois. Bref, tout un arsenal répressif est mis en place. Mais des exceptions existent, Amélie, et c'est là peut-être où le bât blesse dès 1844. Eh bien oui, parce qu'en fait le propriétaire de terres entourées de clôtures pourra lui chasser en tout temps et sans permis. Certains dénoncent une dérive vers le féodalisme. En 1896, René Chauvin et Jules Guesde déposèrent en vain une proposition de loi pour y remédier. Ils déclaraient alors, je les cite, « La législation de 1789 a enlevé au pouvoir royal le droit exclusif de la chasse pour en faire un droit de propriété privé. En fait, elle n'a fait que remplacer un abus royal par un abus bourgeois du propriétaire. » C'est clair. C'est clair. Mais en attendant, la loi du 3 mai 1844 ne règle pas le problème du braconnage qui continue. Dès 1845, 17 000 personnes sont jugées pour délit de chasse, dont 15 000 pour défaut de permis. Et 9 ans plus tard, 30 000 braconniers passent devant les tribunaux. Quoi qu'il en soit, la pratique de la chasse se déploie, comme le souligne Christian Estève. Des 125 000 premiers détenteurs du permis à 25 francs, de 1844, on est passé à plus de 450 000 permis à 28 francs en 1900. Merci Amélie, on vous retrouve le mois prochain et d'ici là on pourra lire l'histoire de la chasse, l'homme et la bête d'André Corvol, paru en 2010 chez Perrin, et également de nombreux articles de Christian Estève que l'on pourra trouver sur le site Cairn.org, qui est un excellent site qui rassemble des textes et de chercheurs sur l'histoire et sur les sciences humaines plus généralement. Merci beaucoup. Merci. Nous dans la lampe le matin, au clairon du coq se rallume. Nous tous, la salle des rassertins, rappellent la bonne main en plume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse. Sans abriser au lendemain, contre la foi de la vieillesse. Que mon tu logeais dans tes trous, sous les combles, dans les décombres. Nous vivons avec les hiboux et les larrons, amis les ombres. Cependant, notre sang vermeil coule impétueux dans nos veines. Nous nous plaignons au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se désouvronde. Buvons, buvons, buvons, à la défense, à la salle du monde. Le chant des ouvriers interprété par la Chorale Populaire de Paris, Chorale Populaire de Paris qu'on pourra retrouver dans le Festival Secousse 1848 qui s'ouvre cet après-midi à Paris, à la Colonie, mais qui a plusieurs endroits où cela se passait, excusez-moi, donc à la Colonie au 128 rue Lafayette à Paris, mais également dans un autre endroit. Bonjour à vous Daphné Budas. Bonjour. Et bonjour à vous Iris Pupela-Nogues. Bonjour. Vous êtes deux des organisatrices de cette manifestation, étudiante en histoire. Vous avez conçu dans votre master d'histoire publique cette idée qu'il fallait avoir des manifestations d'histoire différentes de celles qui se déroulaient un peu partout. On sera bientôt à Blois au début du mois d'octobre avec tous les historiens et les historiennes qui s'y retrouvent, et vous avez inventé donc cette nouvelle formule qui est peut-être plus participative, c'est cela Daphné Budas? Oui, alors en fait notre idée à la base de ce festival, c'était de faire un festival d'histoire qui était différent des festivals d'histoire qui existent à l'heure actuelle en France. Donc on a le festival de Blois, par exemple, qui est en fait un cycle de conférences et de débats. Et sinon, il y a des festivals plus populaires où il y a beaucoup de reconstitutions, ce genre de choses. Et nous, on avait envie de faire quelque chose de différent, donc de travailler avec des historiens, mais aussi de travailler avec des comédiens et de proposer d'autres formes de médiation, en fait, de proposer d'autres manières de faire de l'histoire. Mm-hmm. Iris Pupela-Nogues. Oui, j'ajouterais que c'est aussi, enfin, si c'est un festival plus participatif, c'est ce côté déjà, le fait d'organiser un festival à Paris, c'est aussi de faire venir, entre guillemets, l'histoire à Paris, ou en tout cas dans le cadre urbain. C'est pas le touriste qui va visiter le château de Chambord, mettons. Et donc là, c'est le fait de demander au public d'être aussi, en apprentissage de l'histoire, mais d'une autre façon, et qu'il soit pas ce qui peut être un souvenir parfois un peu négatif du professeur d'histoire qui récitait des dates. Et là, c'est d'autres activités qui permettent de comprendre cette révolution et de pouvoir y participer. Ça participe, votre initiative, Daphné Budas, de ce qu'on appelle l'histoire publique, et le master que vous avez suivi à Créteil était consacré à l'histoire publique. Qu'est-ce que cette histoire publique pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas, et en quoi justement cette initiative est liée à ce concept d'histoire publique? Alors l'histoire publique, on est toujours en discussion sur comment définir l'histoire publique, mais l'histoire publique, très simplement, c'est l'idée de faire de l'histoire différemment et de faire de l'histoire à destination du public. Donc ça veut dire de sortir l'histoire académique du cadre universitaire pour l'amener à un public de non spécialistes. Et donc, ça n'a pas grand-chose à voir, ou ça a quelque chose à voir, par exemple, avec ces universitaires qui passent par le YouTube, par exemple, et par les vidéos que l'on peut poster sur Internet pour raconter l'histoire à un public qui n'est pas le public des universités, par exemple, Iris Pupela-Nogues. Bah oui, oui, tout à fait. Justement, on est en train d'en discuter avec Daphné. L'histoire publique, c'est avant tout une pratique. Et donc c'est des acteurs qui se mettent entre guillemets au service de l'histoire et qui en fait veulent la sortir de l'université et en parler au grand public, et ça peut être par tous les moyens de diffusion possibles. Alors YouTube, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça intervient maintenant d'une certaine façon. Il y avait avant l'été à Paris autour de la librairie La Petite Égypte un festival qui s'appelait le Festival de la Petite Égypte, et la parution d'un livre qui s'appelait Théâtre des opérations, qui avait été coordonné par Sylvain Venner. Deux festivals à Paris qui naissent à peu près en même temps autour de cette préoccupation de raconter autrement l'histoire. Est-ce que c'est parce que vous êtes insatisfaite de ce que vous entendez dans l'espace public sur l'histoire, Daphné Budas? Ben, je pense qu'en France, ce qui est assez particulier, c'est que les gens aiment beaucoup l'histoire. Il y a vraiment beaucoup d'émissions d'histoire, ben, ici à la radio, mais à la télé, il y a beaucoup de documentaires. Et en fait, cette histoire, elle n'est pas toujours faite par des historiens. Et donc, peut-être qu'il y a une, avec ce master qui a ouvert il y a 3 ans, et avec différents, peut-être que ça participe en fait à un mouvement de prise de conscience des historiens universitaires qui veulent peut-être se réapproprier cette histoire médiatisée, qui n'est pas toujours en fait de qualité entre guillemets. Oui, alors justement, vous avez inventé des formes et des formats que l'on trouve nulle part. Enfin, en tout cas, moi, je les avais jamais expérimentés et qui seront donc pendant 3 jours, à partir de ce midi, à la Colonie à Paris, qui seront pendant 3 jours expérimentés auprès d'un public dont vous ne savez pas qui il est, parce que c'est une grande nouveauté, Iris Pupela-Nogues. Alors, par exemple, qu'est-ce que le banquet réformiste ? Alors, le banquet réformiste, ça s'inspire des nombreux banquets qui avaient lieu pendant tout le 19e siècle, qui étaient des banquets où, disons, si je peux employer ça comme ça, des militants politiques se réunissaient pour, évidemment, manger ensemble, mais aussi proposer des toasts, des serments politiques. Et donc c'était un moyen de déclarer une opinion politique par rapport au gouvernement du moment, par rapport aux idées aussi politiques qui se diffusaient à cette époque-là. Et donc nous, on s'inspire de ces banquets et on en propose un au public où en fait on va déjeuner tous ensemble et on va leur proposer de réciter des serments. C'est samedi donc à l'heure du déjeuner. Qu'est-ce qu'un débat mouvant, Daphné Budache? Alors, le débat mouvant, c'est... Défendez votre modèle de coopération, c'est quoi exactement? Alors, cet atelier qui va ouvrir la journée de samedi matin, on l'a construite avec une société coopérative, Copanam, et un historien. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va débattre avec notre corps. Ça veut dire qu'on va voter avec nos pieds, on va se déplacer dans l'espace de la salle pour se mettre d'un côté ou de l'autre selon notre opinion. Et donc, en fait, c'est une forme de débat qui est mouvante, c'est une autre manière d'utiliser l'espace et aussi de débattre et... Et voilà, donc on va voir, c'est assez expérimental, on verra ce que ça donne. Ça s'appelle « Défendez votre modèle de coopération ». Et qu'est-ce que, par exemple, on l'a déjà vu dans d'autres endroits, et en particulier à Toulouse lors du Festival d'Histoire à venir, qu'est-ce que l'atelier d'histoire partagée, Iris Pupela-Nogues ? Eh bien, c'est ce qu'on appellerait une histoire, enfin c'est de l'Uchronie. Prendre un thème et faire, enfin un thème qui a eu lieu dans l'histoire, un événement qui a eu lieu, et faire comme s'il n'avait pas existé. C'est donc Quentin Deluermoz et Pierre Saint-Garavelou qui sont les auteurs de Pour une histoire du possible, qui vont réfléchir, ça c'est donc samedi entre 11h15 et 12h45, à une question simple, et si l'esclavage n'avait pas existé. L'idée c'est de faire participer aussi, Daphné Budache, les gens qui viennent, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas simplement spectateurs avec le fameux quatrième mur de séparation, mais là qu'il participe à chacun de ces ateliers de façon différente, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc en fait, un des axes importants pour nous dans toutes les activités de ce festival, c'est vraiment d'amener le public à participer, qui sort de la position passive de l'apprenant, comme le cours d'histoire avec le prof qui récite les dates, on parlait Iris plutôt, et qu'il participe. Ou la conférence. Ou la conférence classique, c'est de le faire prendre. De faire prendre part, d'inviter le public à prendre part au débat. Et donc, par exemple, l'atelier d'histoire partagée, c'est avec le public que cette histoire contrefactuelle s'écrit. Le débat mouvant, donc c'est le public qui va se déplacer. Toutes les activités sont en fait plus ou moins participatives et interactives. Et donc, c'est vraiment... c'est vraiment un des axes. Iris Pupela-Nogues. Pardon, non, c'est aussi l'occasion en fait que le public là, il va se retrouver face à des historiens qui eux travaillent au quotidien sur leur sujet de prédilection, et c'est aussi l'occasion pour eux de poser des questions en fait et d'avoir des réponses immédiates, et c'est des questions qui leur viennent dans l'instant ou pas, qui sont des questions qui peuvent se poser depuis longtemps, et là c'est l'occasion réellement d'avoir cette confrontation joyeuse entre historiens et public. Voilà, et puis c'est aussi un espace de rencontre, ce festival, parce que ben on a une douzaine d'historiens qui travaillent avec nous, mais on a aussi une dizaine de comédiens. On a des associations, donc on a la Chorale Populaire de Paris qui vient faire un atelier de chant révolutionnaire le dimanche après-midi. On a la Fédération Francophone de Débat qui va nous faire le procès de Louis-Napoléon III en costume, grandeur nature. Et donc en fait, l'idée c'était aussi d'amener différents acteurs qui sont pas forcément des gens qui travaillent ensemble. Donc d'un côté, les historiens universitaires, des artistes, des associations et le public, et en fait de mettre ces personnes ensemble pour voir, pour les faire se rencontrer et pour les faire débattre. Alors tout de même, il y a des historiens universitaires qui vont justement se confronter à ce public qu'ils ne connaissent peut-être pas pour certains d'entre eux. Alors vous allez chercher des gens qui ont déjà ces habitudes-là, Mathilde Larrère et Laurence Decoq, qui feront un débat Twitter. C'est quoi un débat Twitter? Alors en fait, c'est une sorte de performance qu'on va faire cet après-midi. Donc il y a 17h45 à la Colonie, donc au 128 rue Lafayette à Paris, pour ceux qui sont parisiens et celles qui sont parisiens. Voilà. Et pour le débat Twitter, ben, ceux qui ne sont pas parisiens et qui veulent le suivre sur Twitter, le hashtag c'est femme1848. Et donc l'idée, c'est qu'on a créé des comptes Twitter de personnages historiques, donc Georges Sand, Jeanne de Rouen, Eugénie Nuboyer, qui étaient en fait des femmes qui ont défendu leurs droits en 1848. Et donc on va faire dialoguer ces personnages historiques sur Twitter. En fait, on va replacer le débat de l'époque dans un média actuel. Donc c'est l'idée de se dire, si elles avaient eu Twitter, comment elles auraient débattu sur Twitter. Et donc ce sont les deux historiennes qui vont modérer, pourrait-on dire, ce débat entre ces femmes, c'est ça? Exactement. Et donc le débat, donc les tweets seront faits en direct à la Colonie cet après-midi et diffusés en projection sur un écran. Et évidemment, ben, pour ceux qui ne sont pas là, il faut le suivre directement sur Twitter. Et donc vous aurez également dimanche matin une promenade sur les traces des révoltés parisiens avec un professeur de l'université de Clermont-Ferrand qui est Louis Inquert, et Inquert qui est spécialiste justement de cette période de la première moitié du 19e siècle dans ces mouvements révolutionnaires. Là, c'est plus traditionnel, même si c'est un universitaire qui s'y colle, c'est une sorte de guidage pour quelques-uns, et je crois que maintenant le quota est atteint, donc personne ne pourra se rajouter à cette promenade entre 9h et 12h dimanche matin. C'est ça? C'est ça. Effectivement, le quota est atteint, oui. C'est vrai que c'est un historien, moi, qui a l'habitude de le faire, mais je trouve que c'est... Moi, une fois de plus, c'est le fait de que ce soit un historien qui quitte un peu sa chaire universitaire et qui se déplace dans la rue. Et là, c'est au sens vraiment premier du terme, puisque en fait, on va suivre un peu les places fortes, disons, des révolutions de 1848 à Paris. Alors, ça s'ouvre tout à l'heure à 13h15 jusqu'à 14h45 avec Delphine Diaz, Emmanuel Furex, Samuel Ayat et Romy Sanchez, qui tous et toutes réfléchissent à la place de 1848 dans les différents espaces qui sont les leurs, la Caraïbe, l'Europe et la France autour de cette date de 1848. Cela veut dire que il y a là la place dans une manifestation comme celle-ci à une réflexion sur la médiatisation générale de l'histoire, pourrait-on dire, et sur la façon de faire passer directement le savoir universitaire auprès de gens qui ne le sont pas et qui peut-être vont découvrir les travaux de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui n'ont pas eu l'occasion de dialoguer avec eux ou avec elles, en l'occurrence Daphné Budache. Ben oui, en fait, c'est une première édition, donc on ignore encore tout de notre public et des gens qui vont venir. Mais c'est vrai que donc c'est vrai cet espace de rencontre, l'idée de faire dialoguer les universitaires, les historiens qui sont déjà, disons, dans le milieu de la recherche depuis longtemps et des jeunes chercheurs, on travaille quand même beaucoup avec des jeunes historiens aussi. Il y aura Michel Rio-Sarcet et Sylvie April qui sont, disons, on pourrait presque dire les marraines de ce festival, parce qu'elles sont dans la société d'histoire du 19e siècle et donc les sociétés autour de 1848 depuis un certain temps. Et donc elles sont là aussi pour pouvoir montrer l'évolution, pourrait-on dire, de la recherche sur cette date de 1848 qui est réinterrogé à l'occasion de cet anniversaire d'aujourd'hui de façon différente, c'est cela, Daphné Bédache, ou il reste plus belle? Oui, aussi. Bah, par rapport juste à la table ronde, c'est aussi, donc ce sont des jeunes historiens, des jeunes chercheurs qui explorent aussi des nouveaux champs de l'histoire, ou en tout cas des nouvelles façons de penser l'histoire, dans le sens où je pense par exemple à Emmanuel Furex qui a étudié l'histoire des émotions. C'est un champ extrêmement intéressant que le grand public ne connaît pas forcément. Et donc, le fait d'avoir cette table ronde, c'est aussi le fait de faire découvrir ces nouveaux champs de recherche au public. Et puis les révolutions atlantiques avec Delphine Diaz, par exemple, travaillant sur la Caraïbe et mettant en relation des révolutions qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir entre elles, c'est comme cela qu'elles étaient souvent pensées, mais qui ont beaucoup plus de liens qu'on ne pouvait le penser, entre révolution bolivarienne, révolution haïtienne, révolution américaine, révolution française du 19e siècle, Daphné Bulache. Oui, c'est ça, Romy Sanchez qui va nous parler de Cuba cet après-midi. Et en fait, si on a choisi 1848, c'est aussi parce que c'est un moment global. Et c'est aussi pour coller à l'historiographie, parce que depuis l'historiographie récente nous montre qu'il y a un traitement 1848 qui est vu maintenant comme une révolution mondiale, parce que c'est pas que l'Europe, c'est pas que le printemps des peuples, c'est aussi des révolutions ou des mouvements, en tout cas des insurrections au Brésil, au Sri Lanka et un peu partout. Donc il y a quand même cette idée de parler d'un événement mondial. Mmh. Et alors deux formes et deux formats qui sont un peu particuliers. Alors c'est très à la mode, les escape games. Alors vous avez été rattrapé par la mode, il y en a un peu partout, sur tous les thèmes, mais il y a un escape game dans votre manifestation sur le destin d'un exilé politique. Et puis il y a également un jeu de rôle qui s'intitule Aux barricades, et qui, ces deux formes ou ces deux formats seront présents tout au long de la manifestation pendant les deux jours et demi qu'elle dure, c'est cela, Iris Pupin? Oui, tout à fait, ça commence donc dès aujourd'hui dans l'après-midi. C'est une activité qui est sur inscription, donc il faut venir et s'inscrire à l'accueil de la colonie. Et c'est toutes les heures? Et c'est, alors oui, en fait l'escape game ça dure une demi-heure, donc c'est toutes les heures, oui c'est vrai, pardon, mais ça dure une demi-heure, et le jeu de rôle ça dure une heure. Voilà. Il faut du temps pour se mettre dans la peau d'un personnage. C'est l'idée aussi de faire des jeux. Et après, voilà, on verra la réception du public, comment le public reçoit ce genre de médiation. Parce qu'en fait, finalement, on peut faire de l'histoire en s'amusant. On peut jouer à un jeu stratégique sur les barricades. Et là, c'est le propos du jeu de rôle, de réfléchir avec un fond historique, avec un fond qui est réellement sourcé, de où étaient les barricades à Paris en 1848. Et donc, en jouant, en reconstituant une stratégie presque militaire, en fait, et ben on apprend aussi sur l'histoire. Alors, vous avez fait un petit journal qui accompagne votre manifestation, Secousse, donc journal révolutionnaire du festival, avec un éditorial que vous signez, Daphné Bulache, qui se termine par une sorte de parodie, pourrait-on dire, de slogan de 1848, que l'histoire publique soit forte au-dedans et respectée au-dehors. C'est de l'ironie ou c'est beaucoup plus sérieux que cela? C'est de l'ironie, mais avec un fond de vérité. Ça veut dire qu'évidemment, en faisant un manifeste pour l'histoire publique, on s'est inspiré des manifestes républicains. Et c'est un pastiche, mais en fait le fond c'est aussi d'asseoir notre association, la boîte à histoire, en disant qu'est-ce que nous on prône comme vision de l'histoire, et en pastichant un discours 19e siècle, ça nous permet de, enfin le fond est véridique, en fait les idées sont là. Iris Pupela-Noguès, il y aura des lectures de texte de presse en particulier, parce qu'un de vos partenaires est Retro News, et ce site de la Bibliothèque nationale de France, qui propose la possibilité de lire des journaux des deux derniers siècles. Et il y aura donc un partenariat particulier avec Retro News. Oui, tout à fait. Ils sont donc présents à la colonie avec nous. Ils ont, on dirait, un stand où effectivement ils vont présenter au public la presse de cette période-là qui. C'est aujourd'hui entre 15h15 et 15h45. Oui, voilà. Tout à fait. Le printemps de la presse au 19e siècle. Merci à toutes les deux d'être venues présenter ce festival Secousse 1848 qui commence cet après-midi à 13h, donc à la Colonie à Paris, au 128 rue Lafayette, qui se continuera dimanche à la médiathèque Françoise Sagan, au 8 rue Léon Schwarzenberg, à Paris. Toujours, et puisque vous parliez de Retro News, eh bien, notre rubrique C'était à la une, qui conclut l'émission du vendredi. Aujourd'hui, nous sommes pas très loin de 1848. Théophile Gautier se promenant en 1846 dans la France. J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Moniteur universel. Dimanche 5 septembre 1858. Chronique. Reprenons notre voyage où nous l'avons laissé. Nous étions à Caen. Des trains d'une longueur infinie se succédaient à intervalles rapprochés, emportant des populations entières, ce qui n'empêchait pas des foules plaintives de rester sur les trottoirs de la gare. À chaque instant, le télégraphe faisait entendre sa sonnerie d'avertissement pour indiquer la marche des convois. Grâce à ce courrier électrique, que nulle vitesse ne dépasse. On pouvait laisser galoper les formidables chevaux de cuivre et d'acier nourris de feu et d'eau bouillante. À travers le tumulte apparent régnait une admirable prudence et aucun accident ne vint attrister la belle fête. À 10h30, nous trouvâmes enfin place dans un wagon que nous abandonnâmes à Bayeux, dont la silhouette, vue du débarcadère, nous plaisait fort. Une magnifique cathédrale avec deux flèches aiguës et une tour posée à l'intersection du transept et de la nef, comme à Burgos, s'y découpait au-dessus des toits d'une façon superbe, pavoisée de drapeaux et de bannières. Résister à une cathédrale est au-dessus de nos forces, et nous passâmes la journée à examiner celle-ci. Dans notre époque d'annélation industrielle, c'est une chose rare que de voir une ville paisiblement groupée autour de sa cathédrale sans cheminée d'usine mêlée aux clochetons et s'étirant les bras dans ce doux ennui provincial qui n'est pas sans charme et laisse du moins de longues heures à la rêverie. Tordus comme une paille par le tourbillon parisien, nous avons dit souvent que le temps n'existe plus qu'en bronze doré sur les vieilles pendules. Le temps existe. Nous l'avons retrouvé à Bayeux, très bien conservé pour son âge. La cathédrale a sa façade sur une petite place. Une surprise nous attendait à la salle capitulaire. D'une chemise de vieux damas, on nous sortit une cassette renfermant la chasuble de Saint-Régnabert. Une cassette d'ivoire avec des coins, des ferrures et des incrustations d'argent. Un chef-d'œuvre. Toute la richesse du goût oriental le plus pur brillait dans ce joyau écrin d'une relique. Comment cette cassette de calife était-elle venue à Bayeux servir de reliquaire ? Les croisades expliquent ce long voyage, et une tradition veut qu'elle ait été donnée à l'Église par la reine Mathilde. La reine Mathilde ? Ce nom nous rappelle, à propos, la célèbre tapisserie de Bayeux. Avons-nous le temps de l'aller voir ? Oui, le train ne passe qu'à 5h. Elle se trouve à la bibliothèque de la ville, et nous voilà partis. L'on a souvent décrit, souvent dessiné la tapisserie de la reine Mathilde. Nous avons parcouru les livres, regardé les dessins, et nous nous figurions, nous ne savons pourquoi, voir une tapisserie de haute ou basse lisse, comme beaucoup de tapisseries du Moyen-Âge parvenues jusqu'à nous. La tapisserie de la reine Mathilde est, à proprement parler, une broderie faite avec des laines de couleur sur une bande de toile blanche, longue de 70 mètres 34 sur 50 cm de hauteur. C'est un monument très original que cette sorte de frise, de panathénée à l'aiguille, tracée par la reine, femme du héros qui changea son nom de Guillaume le Bâtard contre celui de Guillaume le Conquérant, à peu près comme Hélène tracée sur le canevas les exploits des Grecs et des Troyens sous les murs d'Ilion. Quelle chose singulière, lorsque tant d'édifices si solides se sont écroulés que cette frêle bande de toile soit parvenue à nous intacte à travers les siècles, les révolutions et les vicissitudes de toutes sortes. Un bout de canevas a duré 800 ans. Maintenant qu'il ne nous reste plus rien à visiter à Bayeux, dînons et attendons le train qui nous mènera coucher à 40 ans. Théophile Gautier. « Un récit de voyage de Théophile Gautier tiré du site Retro News de la Bibliothèque nationale de France, lu par Daniel Königsberg. La semaine prochaine, la Fabrique de l'Histoire traitera de la Révolution française et notre invité de lundi sera le cinéaste Pierre Scheler qui sortira mercredi son film Un peuple et son roi. Mais l'histoire continue ce week-end sur France Culture avec, bien entendu, Concordance des temps. Jean-Noël Jeannet reçoit demain à 10h Maurice Sartre pour l'exil et l'asile dans l'Antiquité. Et continue également la semaine prochaine sur France Culture avec Faut-il revoir l'enseignement de la guerre d'Algérie dans l'émission du Grain à moudre. Raphaël Branche discutera avec Yanis Roder donc dans le Grain à moudre. Et la semaine prochaine également, toute la semaine, un nouveau venu dans Matière à penser, l'émission de 22h15 sur France Culture, Patrick Boucheron, qui toute la semaine traitera du besoin d'histoire avec ses invités Michel Perrault, le romancier Gauze, Benoît Falaise, Éléonore Sélard, professeur au Collège de France, ou encore Frédéric Kaplan, besoin d'histoire, donc avec Patrick Boucheron, à partir de la semaine prochaine, pendant toute une semaine, dans Matière à penser, entre 22h15 et 23h sur France Culture. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Clément Daté était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.